Un type de vaudeville encore, et qui se produit plus librement, c'est la garçonnière. Celle-là, en général, est allée en Europe. C'est la question d'ailleurs qu'il faut toujours se poser à propos d'une américaine. Elle y a pris la conscience de son originalité, comme dirait un philosophe. Elle se sait la jeune fille américaine, mais elle veut l'être plus encore qu'elle ne l'est. Elle vous joue la comédie de sa propre nature en l'exaspérant jusqu'à l'invraisemblable. C'est elle qui vous raconte que, se promenant à Paris, rue de la Paix, un monsieur l'a prise pour ce qu'elle n'était pas, et qu'il l'a suivie. Elle a trouvé cette aventure très drôle, great fun. Vous vous croyez obligé d'excuser l'indiscrétion de votre compatriote, l'imbécile, répond-elle. Il ne m'a seulement pas parlé. C'est elle encore qui a ouvert chez elle un cours de high-kicking, ou art de jeter son pied aussi haut que possible. Elle tient le record de 6 pieds 3 pouces qu'aucune de ses amies n'a encore battu. « Comme c'est dommage que vous ne puissiez pas me voir kicker, vous dit-elle, et, vous savez, sans plier le genou. » C'est elle qui, dînant chez sa mère, chez une jeune femme de ses amis, vous demande des cigarettes, en fume 4 à la suite et s'écrie « Et dire qu'il faut que je vienne chez Jessie pour avaler quelques bouffées de strike cut. » Il y a du gamin en elle, mais du gamin d'Amérique, non pas du Gavroche, mais du Gallagher. Je vous renvoie le lecteur à la curieuse nouvelle de M. Richard Harding, Davis, pour qu'il apprécie la différence entre l'innocence de la blague parisienne et l'âpreté de la blague yankee. Comparez une de leurs pantomimes avec une de nos chansonnettes. La jeune fille américaine, quand elle se mêle de faire l'homme, a des audaces de langage qui déconcertent. Que pensez-vous des petits pantalons que mes vertueux concitoyens ont mis au statut de Philadelphie et de Baltimore? J'ai vu un de mes amis français sursauter à cette question brusquement posée dans un salon de la vertueuse New England. Un autre commençait de s'intéresser à une des innombrables May qui circulent à travers les bals et l'été d'après-midi. Une des camarades de May, la fumeuse de cigarettes justement, lui dit à brûle-pourpoint « Eh bien, à quand le mariage? Elle est très gentille, vous savez, très gentille. C'est dommage qu'elle n'ait que la tête de bien, mais oui, » insista-t-elle en gouaillant. « Nous avons couché dans la même chambre pendant 8 jours à la campagne. » Et une description suit, minutieuse, pas de poitrine, des omoplates saillantes, des jambes maigres, pas de hanches, il n'y a que les cheveux. Ah, les cheveux, par exemple, jusque-là. Et elle-même plie la jambe et montre avec sa main la place de son jarret, en riant d'un rire gai, celui du collégien qui détaille à un camarade la personne d'une créature quelconque. Une autre, s'ennuyant à la table d'un grand dîner, écrit quelques lignes sur le revers du menu, plie le carton en billets, et elle l'envoie à un officier de notre marine en route pour Chicago, qui la connaissait de 3 jours. « Je t'aime », avait-elle écrit. « Que veux-tu de plus ?» Et elle eut un accès de fou rire à voir le visage de l'étranger devant l'absurde facétie de cette déclaration moqueuse. Une autre invitée à un thé par l'amoureux de Miss May, et ne pouvant obtenir l'autorisation maternelle, lui écrivait « Je serais une jeune fille française, que l'on n'agirait pas autrement avec moi. » C'est bien la peine d'être américaine. Puis en manière de post-scriptum. Vous savez que si vous y tenez absolument, je viendrai tout de même. » Et ce n'était pas une coquetterie. La garçonnière est une façon de jeune homme qui, d'habitude, excelle à tous les sports, s'habille de costume tailleur, marche tout d'une pièce, joue au billard et trouve beaucoup moins de plaisir à se faire faire la cour qu'à se procurer quelques excitements nouveaux, tels qu'un voyage à toute vapeur, assise sur le chasse-pierre d'une locomotive. J'en ai connu une, fille d'un directeur d'une grande compagnie, dont ce venait d'être la dernière fantaisie. Elle avait filé des lieux et des lieux à travers la prairie, accroupie sur la plaque de métal au-dessus de laquelle soufflait la machine. Et à l'accent dont elle prononçait son « how exciting », combien excitant, je sentais encore ses nerfs frémir à ce sursaut de vitesse et de danger. C'est ici la garçonnière physique, si l'on peut dire, en regard de laquelle s'évoque le profil moins gai de la garçonnière intellectuelle, de la jeune fille au courant, qui a tout lu, tout compris, et cela non pas superficiellement, mais réellement, avec une énergie de culture à rendre honteux tous les gens de lettres parisiens. Le malheur est que, 9 fois sur 10, cette intelligence capable de tout s'assimiler est incapable de rien goûter. C'est un estomac de fer, comme celui de Didyme, ce commentateur de la décadence que les alexandrins appelaient le scoliaste aux entrailles des reins, mais qui n'a pas de palais. Quoiqu'elle s'habille chez les premiers faiseurs de la rue de la Paix, comme toutes les autres, il n'y a pas un livre de Darwin, de Huxley, de Spencer, de Renan, de Taine qu'elle n'ait lu. Pas un peintre et pas un sculpteur, des œuvres duquel elle ne dresserait le catalogue. Pas une école de poète ou de romancier dont elle ne sache les théories. Elle est abonnée également à la revue des Deux Mondes et aux gazettes des plus nouveaux cénacles du Quartier Latin ou de Montparnasse. Seulement, elle ne les distingue pas. Elle n'a pas une notion qui ne soit exacte, et vous éprouvez cette étrange impression, c'est comme si elle ne les avait pas. On dirait qu'elle sait commander quelque part son intelligence, comme on se commande un meuble, sur mesure et avec autant de compartiments qu'il y a de connaissances humaines. Elle n'acquiert ses connaissances que pour remplir ses tiroirs. C'est le cas le plus frappant de cet abus de l'effort dont souffre cette civilisation, et la preuve que cet effort ne peut remplacer la nature que jusqu'à un certain degré. Je me souviens qu'en sortant du palais d'un des millionnaires de Chicago, Forain me disait d'une voix où frémissait le désir effréné d'un artiste sensitif pour un coin de simple humanité besogneuse. « Ah, une loge de concierge ! Que je voudrais donc voir une loge de concierge !» Et devant la fille intellectuelle, comme on s'écrierait volontiers, « Oh, une ignorance, une erreur, une seule, qu'elle se trompe, qu'elle ne sache pas !» Peinement, un esprit se trompe, un esprit ignore, jamais une machine à penser. Un nouveau type se dessine maintenant, celui de la coquette, car elle existe aussi, de la féminine et souple coquette, qui ressemble davantage à ce que nous connaissons en Europe, quoique avec des nuances bien différentes. Il y a d'abord la collectionneuse, celle dont la coquetterie s'exerce sur plusieurs personnes à la fois, quatre généralement, pour diviser les jalousies, deux adorateurs un peu vieux et deux adorateurs très jeunes. Un trait frappant des États-Unis, c'est que l'âge de l'homme ne paraît pas avoir pour la jeune américaine la même importance que pour la jeune française. Arnolphe, ici, n'aurait pas trop à envier auprès d'Agnès le charme de 25 ans d'Horace. La preuve en est dans la facilité avec laquelle de très jeunes filles se marient à des vieillards riches, et dans le bonheur habituel de pareilles unions. Mon diplomate prétend que l'absence de tempérament explique seule cette anomalie. Cette hypothèse n'est guère conciliable. D'autre part, avec l'admiration des looks, de la beauté animale de l'homme qui explique, elle, certains enlèvements, dont les journaux parlent de temps à autre. Je crois plus sage de reconnaître que la coquetterie n'est pas plus que le reste chez l'américaine une affaire d'entraînement. C'est la volonté qui la conduit, ici encore, et qui lui fait trouver une satisfaction d'amour-propre égale à tourner une vieille ou une jeune tête. La preuve de ce parti pris dans ses flirtations est sa manière de procéder. Elle emploie presque toujours le compliment, mais si gros, si transparent, que vous ne savez comment le recevoir. C'est une façon de vous en demander en échange que vous pouvez, disent ceux qui la connaissent, grossir vous-même à votre gré. Elle n'y croit pas beaucoup, mais elle s'y complaise. « J'aime tant les Français, » disait devant moi une d'entre elles. « Ils savent si bien faire les compliments. Ils s'y prennent toujours de façon que vous croyez qu'ils les pensent. That they really mean it. » Et elles ajoutent volontiers, « Écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez de moi. » C'est cet intérêt admiratif que la collectionneuse veut éveiller et conserver. Il lui suffit, toute prête qu'elle reste à se fâcher, si cette correspondance ainsi provoquée s'exaltait jusqu'à la déclaration, ou si ses intérêts admiratifs se hasardaient jusqu'à la caresse, à moins que la collectionneuse ne soit aussi l'intéressée. Car ce type existe malheureusement, m'assurent mes amis, de la jeune fille pourtant honnête, qui se fait donner par des adorateurs qu'elle maintient au platonisme des bibelots, des bijoux, jusqu'à des paires de chevaux. Souvent, elle ne va pas si loin, et elle se contente de s'engager dans des flirtations d'été avec des amoureux, qui aient assez de fortune pour qu'elle puisse se promener durant toute la belle saison dans leur voiture. Cette variété singulière, cette nature de vierge assez calculatrice pour rester pure, tout en exploitant sa beauté au profit de sa fantaisie, paraît moins odieuse ici qu'ailleurs. Les rapports d'argent de l'homme et de la femme sont si étranges dans ce pays, où l'épouse joue souvent par rapport à son mari le rôle de préposé à la dépense, le voyant à peine, recevant de lui à profusion un argent qu'elle gaspille pour elle seule, dans un luxe dont ce mari ne jouit pas. Il n'est jamais là, sinon sous la forme de chèques. L'espèce est, grâce à Dieu, très rare, si rare que je la mentionne ici par oui-dire, au lieu que j'ai pu rencontrer souvent la coquette sentimentale, celle qui a l'excuse de se croire désespérément amoureuse de celui avec qui elle flirte, desperately in love. L'outrance d'expression propre à l'Amérique emploie de ces formules pour désigner ces passionnettes, qui ont du moins cette originalité que ces romanesques personnes s'y livrent avec un aplomb où se reconnaît l'énergie de la race. Quand la jeune américaine a remarqué un jeune homme, elle ne se contente pas, comme nos pensionnaires, d'y rêver avec timidité. Elle a toujours une amie complaisante qu'elle dépêche auprès de lui. « Mademoiselle N voulait beaucoup faire votre connaissance. Venez que je vous présente. » C'est régulièrement une autre jeune fille qui joue ainsi le rôle d'intermédiaire. Elle va plus loin. « Pourquoi ne faites-vous pas la cour à Nanine ? Elle est charmante, je vous assure. Je vous y aiderai. Je crois que vous lui plairez. » Elle ne le croit pas. Elle le sait, car Nanine l'a prise comme confidente et chargée de ce message. Seulement Nanine, avec ses romanesques audaces, est une fille de raison. Qui donc a prétendu que les Américaines sont comme les épingles, toujours retenues par la tête? Après un certain temps, elle reconnaîtra qu'elle s'est trompée sur l'intensité de ses sentiments, surtout s'il se présente un mariage à sa convenance. Une fois mariée avec un autre et très heureuse, si elle rencontre jamais le jeune homme de la passionnette, elle lui dira « Comme j'étais folle, mais que je vous aimais. How foolish I was, but how I loved you. » Et il y aura dans ce rappel tant de camaraderie gaie que l'idée de reprendre avec la femme mariée le roman jadis commencé, avec la jeune fille, puis interrompue, ne viendra pas une seconde à l'idée du jeune homme, objet de cette étrange confidence. En regard de ces types qui, presque tous, prêtent à la satire, il n'est que juste de crayonner une autre figure, qui se rencontre aussi même dans cette contrée du toujours trop, celle de l'équilibré. Cette charmante physionomie d'une jeune fille, toute justesse et toute harmonie, est de tous les pays et de tous les temps. Molière en a fait son Henriette, Dickinson, Agnès, Balzac son Eugénie Grandet. Ce qui la distingue en Amérique, c'est la précocité et l'universalité de l'expérience. D'ordinaire, à Londres comme à Paris, la jeune fille très équilibrée est surtout une enfant, qui a été très suivie, très surveillée, dont la vie a été réglée soigneusement, l'éducation étroite. Elle a ou bien accepté des circonstances très pénibles, ou bien subi une discipline très serrée. Ici, au contraire, elle a conservé son équilibre de nature au milieu de l'existence la plus comblée, la plus abandonnée et la plus compliquée. Mais ni la fortune de son père, ni le luxe dont elle est enveloppée, ni la fièvre du monde où elle est emportée, n'ont pu prévaloir contre sa faculté raisonnable et raisonneuse. Elle a d'elle-même fait le départ entre toutes les sensations que lui a données son milieu, reconnu celles qui sont saines, celles qui sont malsaines, choisi les unes, repoussé les autres. Elle s'est faite un caractère en entière concordance avec sa position dans la société, individuelle cependant, et particulier. Pour cette jeune fille-là, on le sent, aucune épreuve ne sera dangereuse, aucune fortune ne la trouvera inférieure à ce qui convient. On comprend, tant on la devine énergique, lucide et douce, que la vigueur de sa race, si effrénée partout ailleurs, atteint chez elle son point de mesure. Ce qu'il y a de si absolument libre dans les mœurs féminines de son pays n'a pas altéré chez elle une seule des grâces de son sexe. Et ces grâces se doublent d'une force qui assurera son mari, non pas seulement de la plus irréprochable fidélité, mais d'un appui dans n'importe quelle crise. Comme toutes les autres, c'est une personne très complète, qui s'est façonnée elle-même et qui se suffit, mais avec assez de bonté intelligente, pour comprendre une autre personne auprès d'elle, l'admettre, l'aider, s'y associer. Que cette jeune fille ne soit pas trop rare aux États-Unis, c'est la preuve que si le principe de l'initiative, sans contrôle, produit de graves défauts, il produit aussi des nuances nouvelles de beauté morale et de charme. Cette créature, toute mêlée de délicatesse féminine et de volonté virile, attache, étonne, séduit, réconforte. On la respecte et elle attendrit. On lui sait gré d'exister comme une des nobles choses de ce monde. Et on rêverait, tant elle est complète, de l'avoir dans son existence, comme confidente, comme conseillère, comme amie. J'allais dire, et c'est, je crois bien, le plus flatteur des éloges, comme amie. Bien ou mal équilibrée, coquette ou sentimentale, savante ou gamine, intrigante ou simple, la jeune fille américaine est donc avant tout un petit univers complet, qui s'est formé, qui a grandi hors de toute influence masculine. Cette différence d'esprit, d'habitude, presque d'espèce entre elle et son père, que j'ai marqué d'un trait en passant, si totale qu'elle en est invraisemblable, semblerait devoir donner naissance à de terribles drames moraux. S'ils sont rares, c'est que nulle part comme ici, on ne pratique l'intelligence et humaine maxime de vivre et laisser vivre. Toutefois, cette extrême liberté n'évite l'effroissement que par la suppression des rapprochements, et conséquence très importante pour la jeune fille, plus importante pour la jeune femme. Il en résulte que la vie du home existe aux États-Unis, beaucoup moins qu'ailleurs, du moins dans la classe aisée. Mille signes manifestent cette sorte d'éparpillement du foyer américain, la singulière facilité de voyager d'abord, et surtout la quantité de gens riches qui mènent cette existence d'hôtel presque inintelligible pour des Européens et en particulier pour des Français. Voilà 10 ans que nous passons l'hiver ici, mais nous prétendons habiter Rochester, me disait avec esprit une jeune femme très à la mode. Comme à ces 10 hivers passés à New York correspondent 10 étés passés à Newport, autant d'automne passés à Lenox et probablement plusieurs printemps passés à Paris. On voit la place laissée à la vraie maison dans un pareil ménage. Cette singulière et mobile façon de vivre s'exagère à mesure que l'on se rapproche de l'Ouest. Les voyageurs prétendent que là-bas, certaines villes sont uniquement composées de masures en bois disséminées autour de quelques immenses hôtels. C'est là, dans ce caravansérail monté avec le luxe violent dont les nouveaux riches raffolent, que s'ébauchent les commencements de cette existence sociale, épanouie plus tard dans les grands centres, du bord de l'Atlantique. La famille installée à l'hôtel a un salon où elle reçoit, qu'elle orne de gravures, d'étoffes, qu'elle meuble souvent de meubles privés. Pour se rendre compte du degré où des gens vivent à côté les uns des autres, bien plus que les uns avec les autres, il faut avoir soi-même habité un de ces hôtels et assisté à quelques-uns de leurs repas. Ils mangent bien à la même table, mais sans que personne attende personne. La fille se lève ou la femme quand le père ou le mari vient s'asseoir pour son déjeuner, son lunch ou son dîner. C'est la toute humble mais expressive évidence de ce qui fait le fond de la famille américaine. Chacun pour soi et chacun par soi. Cette vérité, la jeune fille la porte écrite dans le plus intime de son être. Tout la lui révèle et elle-même en est trop persuadée pour ne pas savoir, au moment de se marier, que cette règle dominera la maison conjugale, comme elle a dominé la maison paternelle. Aussi ne s'attend-elle guère à trouver dans celui qu'elle épouse, comme une enfant de chez nous, un confident absolu de ses pensées, un ami qui fera l'éducation de son esprit, de son cœur, de tout son être. D'ailleurs, on ne peut même pas dire d'elle ce que l'on dit d'une Française, qu'elle est devenue femme. Elle l'était avant de se marier, par ses idées, par son caractère, par sa liberté, par ses habitudes. La différence est que d'une part les possibilités d'avenir vont être diminuées pour elle, et de l'autre elle va être moins entourée. Chez nous, le passage de l'état de jeune fille à l'état de jeune femme est un avènement. Il est ici tout le contraire, c'est une démission. Pourquoi la femme mariée est-elle moins courtisée aux États-Unis que la jeune fille? C'est la première question que se pose l'étranger après quelques semaines de séjour. Est-ce que les Américains respectent le mariage plus que nous ne faisons? Est-ce que les mœurs y étant plus simples et plus pures, le cœur du jeune homme répugne à ce que l'adultère représente d'âcres émotions et de tristesse ulcérée, même dans le bonheur? Est-ce que le temps manque pour des séductions poussées profondément et lentement? Est-ce le dégoût du mensonge, ce trait si remarquable de l'âme anglo-saxonne? Est-ce au contraire un comble d'hypocrisie? Il est certain que dans la société, vous n'entendez pour ainsi dire jamais faire allusion à quelqu'une de ces liaisons, comme il en abonde à Paris et même à Londres. Cette ligne de démarcation entre la coquetterie et l'intimité, entre les alentours de la faute et la faute elle-même, la causerie américaine l'évite toujours. Cette chose-là n'existe pas aux États-Unis. C'est la phrase que j'ai souvent entendue dire à plusieurs de mes amis d'ici, et comme j'objectais à une d'elles l'attitude de telle ou telle femme avec tel ou tel homme, qui me paraissait comporter une évidence indiscutable, ces femmes-là se croient obligées d'avoir des histoires, me répondit-elle, parce qu'on en a en Europe. Seulement, au lieu de se cacher, elles s'affichent le plus qu'elles peuvent, précisément, parce qu'il n'y a rien de sérieux. L'étranger ne peut répliquer que par le grand mot de doute du plus sceptique des peuples et du moins américain, Sarah. Deux raisons d'un ordre très différent expliquent a priori, si l'on peut dire, que la femme mariée doivent être pourtant plus préservées ici que dans le vieux monde. La première, qu'il ne faut ni exagérer ni diminuer, c'est cet arrière-fond de puritanisme qui a baissé depuis 50 ans d'année en année, presque de mois en mois. Il n'a pas disparu tout entier. Un des plus éloquents d'entre les magistrats du Massachusetts, le juge Olivier Wendell Holmes, a dit dans un de ses discours, brefs et chargés d'âme, où il excelle, même si notre façon a changé d'exprimer notre étonnement, notre frissonnante crainte, notre persistante confiance en face de la vie, de la mort et de l'insondable monde, encore aujourd'hui, même maintenant, nous autres, les nouveaux Anglais, nous sommes soulevés par le ferment puritain. Even if our mode of expressing our wonder, our awful fear, our abiding trust in face of life and death, an unfathomable world has changed. Yet at this day, even though we New Englanders are still living with the Puritan fervent. Cela est vrai dans la Nouvelle-Angleterre, qui continue elle-même d'être le ferment moral de l'Amérique. Or, il faut se souvenir que voici 200 ans, la loi mosaïque qui punit de mort l'adultère était écrite dans le code du Massachusetts. Le premier adoucissement apporté à cette rigueur fut de marquer seulement de la lettre A au fer rouge les personnes convaincues de ce crime. De telles férocités de législation ont beau disparaître, elles laissent après elles, dans l'opinion, des traces qui ne s'effacent pas si vite. La campagne du docteur Parkhurst l'hiver dernier contre les filles de New York et la rafle exécutée par ses soins en pleine nuit glacée de décembre sur ses habitantes d'une Tenderloin, le filet, c'est le nom du coin galant de Broadway. Atteste que l'antique âpreté réformatrice n'est pas morte. C'en est assez pour faire comprendre que la légère façon parisienne d'accepter, en le raillant, le ménage à trois, n'est pas encore celle des États-Unis. La seconde raison est moins historique et moins idéale. Elle réside dans cette extraordinaire facilité du divorce dont j'ai mis sur les moralistes sévères. S'ils sont dans le vrai, au point de vue du plus grand bien, ils sont assurément dans le tort, au point de vue du moindre mal. Ici encore, les Américains ont obéi à leur instinct de voir les choses comme elles sont, et de se laisser conduire par les faits, en les admettant sans les discuter. Ils sont partis de cette idée bien simple, mais nos esprits latins ne l'ont pas encore admise, que le divorce n'est jamais un danger pour les bons ménages, et qu'il y a un grand intérêt public et privé à ce que les mauvais soient brisés le plus vite et le plus aisément possible. Ça a été dès lors une concurrence entre les États pour augmenter cette facilité. On a fait souvent la plaisanterie de dire que les serfrins criaient dans les gares de Chicago « 20 minutes d'arrêt pour divorcer ». C'est la charge d'une vérité, à savoir que dans certains codes de l'Ouest, la rupture du lien conjugal n'est pas beaucoup plus compliquée que la vente d'un terrain. Dans la plupart, 6 mois de résidence suffisent pour que vous puissiez bénéficier de leur loi du divorce. Dans quelques-uns, le North Dakota par exemple, 90 jours. L'ivrognerie attestée, la condamnation d'un des époux à 2 ans de prison, son absence volontaire pour 1 année, son affiliation à une secte religieuse contraire au mariage, voilà, au hasard, quelques-uns des motifs que je relève en parcourant les divers articles de ces codes. Aussi n'y a-t-il pas de semaine où vous ne lisiez dans les journaux que M. X ou Mme Z partent pour tel ou tel état afin d'y passer une saison, le temps de remplir les conditions de la résidence. Après quoi, ils seront libres de reprendre leur vie d'autrefois et de nouer de nouveaux liens. Ces villégiatures, à base de divorce, sont une des gaietés de ce monde hardi. « Je connais Madame V, me disait une jeune fille de Washington, quand nous avions notre loge à l'opéra à New York, nous nous rencontrions toujours dans le train. C'était justement les jours où il allait chaque semaine aussi faire acte de présence dans la maison qu'elle avait louée en Delaware pour son divorce. »